bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour mes coups de cœur hebdomadaires. Donc cette semaine, mon coup de cœur, c'est La cinquième vague. Donc c'est un livre qui était adapté en film, mais je ne vais pas parler du film, vu que je l'ai vu il y a longtemps, beaucoup trop longtemps. Et du coup, je ne me rappelle plus, donc je risquerais de dire des bêtises. Donc déjà, ça n'en parle pas, pour commencer. La cinquième vague, c'est une trilogie. Donc c'est de la science-fiction en mode science-fiction extermination de l'espèce humaine, hein, direct, un peu Z, un peu série Z. Donc, le principe. Première vague, extinction des feux. Deuxième vague, déferlante. Troisième vague, pandémie. Quatrième vague, silence. À l'aube de la cinquième vague, sur une autoroute déserte, Cassie tente de leur échapper. Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser leur chemin. Eux qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère. Du moins, si Evan est bien celui qu'il prétend. Ils connaissent notre manière de penser. Ils savent comment nous exterminer. Ils nous ont enlevé toute raison de vivre. Ils viennent à présent nous arracher ce pour quoi nous sommes prêts à mourir. Donc, il y a vraiment un truc que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est qu'il est original en fait. C'est pas, vous voyez, comme toutes les séries où il y a des aliens ou des zombies qui arrivent, enfin, des aliens plutôt, où c'est en mode « Oh non, boum, il tue la moitié de l'humanité, l'humanité il reste que d'elle, il se regroupe, il défonce les aliens, et puis finalement l'humanité s'en sort avec quelques petits bobos, enfin... avec juste les trois quarts de l'humanité qui étaient exterminés, et voilà. Là, c'est différent. Je dis pas qu'ils perdent, je dis pas qu'ils gagnent, hein, je n'insinue rien. Mais simplement, le livre est vachement original. Et il joue un petit peu comme avec des miroirs, on va dire. Vous voyez, quand vous êtes dans un temple des miroirs, vous croyez pouvoir avancer, vous croyez qu'il y a personne en face de vous, enfin, qu'il n'y a pas de miroir, et boum, vous avancez, vous prenez un miroir en pleine figure. Bah, ce livre, c'est un peu pareil. Vous pensez que vous pouvez avancer, vous vous dites yes des amis, et poum, c'est un miroir. Ah, c'est bête. Et bon, pour ceux qui auront compris, voilà, puis pour ceux qui n'auront pas compris, bah lisez le livre, hein, franchement. Je précise que les trois tomes n'ont pas le même nom, hein, vous ne faites pas voir. Le premier, c'est la cinquième vague. Le deuxième, c'est la mer infinie. Et le troisième, c'est la dernière étoile. Donc voilà. Et aussi que le livre est publié chez Robert Laffont, donc un éditeur, voilà. Et que l'auteur, il s'appelle Rick Yancey. Donc cet auteur, il a été... comment on appelle ça ? Il a été... il est originaire de Floride et est diplômé de l'université. À l'université, hein. Et il écrit beaucoup pour les jeunes adultes et les adultes. Il a eu pas mal de prix prestigieux, dont le Michel Prince Honor et le Carnegie Medal. Donc voilà. Et puis, du coup... Ces livres sont franchement bien, j'en ai lu un autre ou deux, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, malheureusement. Et il écrit des bons livres. Donc pour ceux qui seraient tentés pour la cinquième vague, et qui aiment bien le style, on va dire, enfin qui aiment bien le style d'écriture, et qui aiment le style d'écriture plutôt, lisez ces autres livres, parce qu'ils sont franchement bien aussi. Donc voilà. Donc la cinquième vague, c'est un livre que je vous conseille très fortement si vous aimez un petit peu la science-fiction, les séries Z, où littéralement l'humanité se fait défoncer, et meurt, enfin se fait défoncer à double tranchant, et voilà. Donc livre thriller aussi, quand même pas mal. Entre les tomes, ils mettent beaucoup de thriller. Voilà, bon, c'est tout pour moi, hein, la cinquième vague, je réponds une dernière fois, de chez Robert Laffont. Donc livre que je vous conseille ma foi très fortement, hein. Donc je vous dis à la semaine prochaine. C'est Aurélien, au revoir.